sofa. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Lundi, une émission sur l'Impartal. Mais je suis trop vieux pour ces conneries. Salut Fred, salut à toute l'équipe de Blockbuster. Comment dire que l'arme fatale, ça a été pendant des années une tradition, l'été, quand les parents étaient partis, de me taper tous les quatre films avec l'home cinéma du papa, à fond les ballons. Donc des gros gros souvenirs. Et j'ai 28 ans, donc je ne les ai pas vus au cinéma. Mais en tout cas, je remercie mon cousin de m'avoir fortement influencé à regarder ces bijoux d'action et de comédie. Merci à vous pour votre émission et à bientôt. Merci. To be or not to be, not to be. Le nombre de morts dans les films des années 80, c'est quand même quelque chose, hein. Si dans les films on devait faire des minutes de silence pour toutes les victimes de dommages collatéraux, on réinventerait le cinéma muet. Quand je parle de victimes, je ne parle même pas des hommes de main ou des sbires qui ont le malheur d'être sur la route d'un Mel Gibson ou d'un Schwarzenegger armé. À la limite, eux, avec une grille de lecture, un chouïa réactionnaire, on peut se dire qu'ils l'avaient bien cherché. Ils avaient qu'à mieux choisir leur orientation scolaire. Non, moi je parle de tous ces civils qu'on voit dans les films. Des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent dans le feu de l'action pour montrer que les méchants sont vraiment très très méchants. Le gars qui se fait éjecter de sa voiture sur l'autoroute parce qu'un méchant a besoin d'une bagnole. Le pauvre type qui boit un verre ou qui danse dans une discothèque au beau milieu d'une fusillade. Sans parler des policiers qui ne sont pas interprétés par des stars de Hollywood, mais qui se contentent de boire un café dans une voiture en faisant une patrouille. L'espérance de vie d'un flic joué par quelqu'un qui n'est pas connu dans un film d'action est quasiment nulle. Le pire, c'est quand au générique on se rend compte qu'ils ne sont même, ils se sont même pas donné la peine de lui donner un nom. Flic en patrouille numéro 1, flic en patrouille numéro 2. Et des fois quand j'écoute les infos et que j'entends que 200 emplois ont été supprimés ou que 40 000 personnes sont mortes de telle ou telle maladie, je me dis que dans le monde réel aussi, des fois, on n'a pas forcément son nom au générique. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Il y a encore deux choses. Quoi ? L'examen des draps et du matelas a révélé que quelqu'un d'autre était avec Amanda juste avant qu'elle meure. C'est le petit A. Le petit B ? B, c'est qu'on m'a chargé de t'annoncer que tu bosserais avec un partenaire sur ce coup. Quoi ? Encore ? Ouais, un type détaché des stupes. Une vraie loque, sur la corde raide. Oh, parfait. Une arme ! Attention ! Roger, je te présente ton associé. J'ai passé l'âge de ces conneries. En 1987 sort sur les écrans du monde entier L'Arme Fatale, réalisée par le très récemment disparu Richard Donner. Et même si le concept de buddy movie n'a pas été inventé avec ce film, le buddy movie étant un genre où on associe deux personnages qu'au départ tout oppose, il en est l'incarnation la plus connue et sûrement la plus réussie. Porté par un Mel Gibson tout juste sorti de Mad Max et par un Danny Glover auréolé de son interprétation dans La Couleur Pourpre, écrit par un jeune scénariste prometteur nommé Shane Black et produit par le célèbre Joel Silver, L'Arme Fatale est devenu un monument incontournable du cinéma d'action de la fin des années 80. Pour parler de ce film culte, j'ai à mes côtés Julie Le Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Canard PC, mais vous écrivez aussi pour Rokirama et Ciel et Espace. On peut également vous entendre dans Silence on joue, le podcast de Libération consacré à l'actualité des jeux vidéo. C'est ça, exactement, ouais. Avec nous, pour une première fois, Fred Tevert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du site Les Chroniques de Cliffhanger et compagnie, l'actualité cinéma et série télé, et vous travaillez à l'atelier d'images, distributeur de films et de documentaires, avec une préférence personnelle pour les films des années 80 et 90, dans le genre des buddy movies. Exactement. Avec nous, et on est ravis, Bruno Sanchez, bonjour. C'est partagé surtout. Ben oui. Vous êtes acteur, le grand public vous connaît notamment pour le duo Catherine et Liliane sur Canal+, où vous incarniez Liliane aux côtés d'Alex Lutz. Et vous êtes avant tout un grand grand fan de L'Arme Fatale. J'aime. Même le 4. Surtout, mais le, surtout 4. Le 4. Surtout le 4. Qui nous confie. Oh là là. Ensemble, on va revenir sur l'origine de cette franchise, qui est devant et derrière la caméra. On va explorer en quoi ce film a influencé tout un tas d'autres films pour le meilleur, mais aussi des fois pour le pire. On parlera bien évidemment des suites de Mel Gibson, de Danny Glover. Bref, on va vous prouver que non, vous n'êtes définitivement pas trop vieux pour ces conneries. Beretta 9mm, 15 coups en magasin, 1 dans la chambre, large fenêtre d'éjection. Aucun risque d'enrayage. Et toi, tu te sers de quoi? Un Smith 4 pouces. Un 6 coups, hein, hein? Mm-hmm. C'est l'arme préférée des grands-pères. Ton dossier dit aussi que tu es spécialiste en arts martiaux, le tai chi et autres trucs de tueur. Je suppose qu'on devrait t'inscrire à l'arsenal comme l'arme fatale. Écoute, mon vieux, on arrête ces conneries. Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi? Quoi? Je veux pas bosser avec toi. Et te force pas? Mais si j'avais le choix, mon vieux. On dirait qu'on est baisés tous les deux. Non, formidable. La vérité, c'est que Dieu me déteste. Eh ben, fais comme moi. Rends-lui la monnaie. Pour cette émission, j'ai fait le choix de mettre la version française, déjà pour rendre hommage au grand Jacques Frantz qui nous a quittés il y a peu et qui doublait Mel Gibson, et aussi parce qu'on a eu l'occasion d'entendre Richard Darbois, le grand Richard Darbois, Buzz l'éclair, Batman, qui double Danny Glover, comme quoi à cette époque, le débat sur la couleur de peau des doubleurs ne se posait pas et il le faisait divinement bien. Alors première question, Fred Tepper, qui est à l'origine de L'Arme Fatale? Alors c'est le scénariste Shane Black qui à l'époque vraiment, ouais, il est très jeune, il a 23 ans. Surtout de UCLA, je crois. Mm-hmm. Voilà, exactement. Et donc il va, il écrit ce script là et très rapidement il va être, le script va être mis sur le marché et acheté par le producteur Joel Silver pour $250,000, ce qui est une somme colossale à l'époque. Et c'est comme ça que tout va démarrer. Alors, Joel Silver, qui a déjà à son actif pas mal de réussites, et on lui doit peut-être le proto-film du Buddy Movies, qui est 48 heures. Avec oui. Eddie Murphy et Nick Nolte. Qui est une tuerie. Qui est une tuerie, dans tous les sens du terme. Est-ce que autour de la table, vous avez vu 48 heures? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Je ne suis pas allé jusqu'à pousser la déviance en allant voir la suite, contrairement à Fred. Ouais, mais... Moi, je l'ai vu. Moi aussi. Bruno? Ah ben j'étais fan, moi j'avais 8 ans à l'époque, je crois même pas. Et encore, je l'ai vu, je l'ai pas vu à l'époque, j'étais pas encore né quand c'est sorti, donc j'étais très petit, hein, bébé, mais je l'ai vu plus tard et je l'ai vu 1000 fois, je crois. Et alors c'est un film en plus où Eddie Murphy est, alors il est évidemment très drôle dans le film, mais il n'est pas dans l'exubérance qu'on pourra lui connaître ensuite. C'est vraiment un film noir, avec une ville poisseuse. Nick Nolte joue un flic... Dark aussi. Dark, hein. Oui, ouais. Pas loin d'être un peu ripou. Ouais, grave. Et porté sur la bouteille. Oui, et il y a déjà en germe l'idée quand même d'un cinéma beaucoup plus sombre que ce qu'on peut associer au film d'action de cette époque, parce que il faut le dire, L'Arme Fatale, le premier en tout cas, est un film assez sombre par rapport à ce qu'il va devenir. Il est extrêmement sombre, hein. Et plus on le revoit plus on l'analyse, on se rend compte qu'il y a des scènes très très sombres. Ça commence quand même par le suicide d'une jeune femme qui se défenestre. Ouais. Ça se poursuit par une tentative. Après, c'est mis pas mal de sucre pour poudre dans les narines. Beaucoup de sucre, oui. Voilà, ensuite, il y a quand même une séquence très rapidement où on voit le personnage de Riggs qui est sur le point de se suicider. Donc Mel Gibson qui est totalement suicidé. Ouais. Voilà, très belle scène en plus. Hein. Oui. Ouais, ça je suis d'accord, c'est vraiment les scènes d'introduction de Riggs, elles sont assez exceptionnelles. Mais même pendant la rédaction du script, enfin Shane Black était quand même en gros, c'était son deuxième script, il en avait fait un avant pour un film qui a jamais vu le jour, et ça c'est vraiment dommage, qui devait s'appeler Shadow Company, et qui devait être donc réalisé par John Carpenter après Invasion Los Angeles, et qui avait l'air complètement dément, je sais pas si vous voyez le pitch. C'était en gros des membres des forces spéciales pendant la guerre du Vietnam qui meurent, qui reviennent à la vie et qui tuent tout le monde à Noël. Donc on voit déjà un peu les petites obsessions de Shane Black qui dit s'est inspiré un peu des Trois Jours du Condor. Et donc lui raconte que quand il a écrit le scénario de L'Arme Fatale, il passait son temps à se dire mais je suis trop nul, qu'est-ce que je fais, je suis un imposteur, etc. Mais sachant que c'était... Il a pas été aidé par un autre mec après, ouais. Mais pour les premières moutures du script, c'est lui qui l'a fait en 6 semaines. Et apparemment, ouais, le script a échoué pendant la période de rédaction dans la poubelle. Et c'est limite s'il n'y avait pas encore des traces de salade et de café sur le script quand il a été mis aux enchères. Quoi. Alors, si vous êtes amateur de cinéma de genre, vous pouvez carrément poser un visage sur le nom de Shane Black, vu que c'est lui qui joue dans Predator, avec ses lunettes et qui ne cesse jamais de sortir des plaisanteries dans l'hélicoptère. Et bien, cet homme est le réalisateur, donc, le scénariste de L'Arme Fatale, mais on lui doit aussi évidemment Iron Man 3. Et aussi des films excellents que je conseille, Kiss Kiss Bang Bang et Le Dernier Samaritain. The Nice Guy avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Des très bons buddy movies d'ailleurs, on retrouve la dynamique, pareil dans Kiss Kiss Bang Bang. Vous avez une sorte de cartographie, une exploration du buddy movie, et tout ça est dû à la même personne, qui se caractérise par des dialogues assez incisifs. On parle souvent de Tarantino dans sa manière de dépeindre des personnages et d'écrire des dialogues. Shane Black, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais il n'a pas grand-chose à lui envier. C'est le roi des punchlines. Ouais, c'est dingue. Déjà, en termes d'écriture, c'est vraiment millimétré la caractérisation de ses personnages. Tout de suite, en quelques scènes, quelques lignes de dialogue, les personnages sont plantés immédiatement. Donc ça, c'est très très fort. Et c'est vrai qu'il a aussi la faculté à proposer des scènes tout de suite jouissives en termes de violence, mais pas que. Mais c'est vrai que les scènes d'introduction de Murto et Riggs sont hyper parlantes, quoi. C'est Murto qui fête ses 50 ans tranquille où tout le monde autour de sa famille dans la salle de bain. Et pendant ce temps-là, Riggs, c'est le principe d'intimité. Alors... Mais dans le 2, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. Ça commence sur les chiottes. Oui. Ils sont piégés. Oui. C'est absolument génial. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a frappé en revoyant le film. C'est que c'est une époque où on sent que. Le qu'en dira-t-on quand aux images proposées aux spectateurs, on est un peu plus libéré par rapport à ça. C'est-à-dire que le premier plan de Riggs, Mel Gibson, il est quand même complètement nu. Ouais, c'est ça. Il est dans une caravane, dans son mobilhome, en train de se griller une clope. En guise de petit déjeuner, c'est une bière. Ce qui me fait quand même dire qu'on ne peut pas avoir ce physique-là. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, j'ai 43 ans, je garantis. Ouais. On fait des burpees, on fait pas ça. C'est... mais toujours est-il que voilà, on le voit en tenue d'Adam, comme ça, dans sa caravane. Attends, tu veux dire qu'il a 43 ans, lui, à l'époque? Non. Non, il en a un tout petit peu moins. Je crois, à l'époque, Parlons-en, il sort de Mad Max. Ils ont une préparation physique, pour le film. Hein. Ouais, c'est ça, deux mois de arts martiaux et tout. Oui, c'est vrai. Ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. Et puis je pense qu'on part sur une bonne base. C'est-à-dire que Mel Gibson, est quand même un très très bel homme. Danny Glover aussi, hein. Oui. Mais ça m'a pas frappé autant que. Ah, moi si, ça m'a frappé. Mais moi sur la fin du film là où il court derrière l'albinos comme il l'appelle, où il a un Marcel. Ouais. Gary Buzet. Ouais, Gary Buzet. Gary Buzet qu'on retrouve aussi. En tant qu'agent du FBI aux côtés de Keanu Reeves. Qui est un vrai spécialiste d'arts martiaux en plus, hein. Oui. Oui, alors par contre, quand ça a été filmé dans la scène de fin, ça, on le voit pas forcément parce qu'à cette époque, les combats étaient pas. Et c'est là où L'Arme Fatale 4 est géniale. On va y venir. Alors, la bande originale de L'Arme Fatale a été composée depuis le début par Michael Kamen et Eric Clapton. Oui. Ce Eric Clapton, et cela dès le premier. Et pour le troisième opus, on a eu droit à un duo avec Sting, It's Probably Me, que l'on écoute tout de suite. Cette émission est réalisée, comme toujours, par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radenac et notre stagiaire réalisation, Véronica Meyer. Et aujourd'hui, à la technique, Philippe Duclos et au mixage, Benjamin Orgeret. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you'd wake the morning in a stranger's coat. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg, and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but that I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Le fameux saxo, typique caractéristique de l'arme fatale, c'était Sting et Eric Clapton dans Blockbuster sur France Inter. Arrête, pauvre con. C'est 100 000 dollars, crétin. Mais t'es pas chez des amateurs, hein. C'est-à-dire que... Enfin, d'accord, je suis désolé, c'est trop cher pour ce que je gagne avec mon salaire. Mais écoutez, vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. Ouais, voilà, je vous soulage gratuitement de la poudre et je vous invite en tôle, tranquille. Ça va, comme deal? Attends un peu, là. Alors, je pourrais vous lire vos droits, mais rien qu'à voir vos gueules, je suis sûr que vous les connaissez déjà. Il est bidon, ton insigne. Et toi aussi, tu es bidon. Ah, ça, c'est sûr que t'es un cinglé. Si t'as rien trouvé de mieux... Ah, oui, je suis cinglé. Ouais, ouais, je te trouve bien cinglé, cinglé, c'est ça. Ouais. Vous voulez que je fasse le cinglé? Non, mais ça... L'insigne, c'était pas bidon. Je suis un vrai flic et je vous jure que ça, c'est pas un joujou. D'accord, mec. Allez, la tête au plancher, connard. En édito, je parlais des gens qui se faisaient descendre très rapidement dans les films. L'arme fatale est un très bel exemple de la faible durée d'espérance de vie qu'ont énormément de gens qui croisent Mel Gibson. C'est un cow-boy, hein. Ah oui, c'est un cow-boy. Et vraiment, on sent que c'est les années 80, c'est-à-dire que, voilà, t'es du mauvais côté de la loi, bah, si on pouvait gagner du temps sur le procès, c'est, y a quelque chose d'assez radical. Alors, l'arme fatale, on en parle, mais est-ce que, y a encore un souvenir de l'arme fatale dans la rue? Eh ben, d'après ce que j'ai compris, Benjamin, le meilleur moyen de trouver des fans de l'arme fatale dans la rue, c'est de se diriger vers ceux qui ont l'air trop vieux pour ces conneries. J'avoue qu'en allant questionner des gens au hasard dans la rue au sujet de l'arme fatale, il s'est d'abord passé une chose à laquelle je m'attendais vraiment pas. Surprise ! L'arme fatale, ça me dit quelque chose. Mais ça, c'est une série, ça ? La série, dans la série l'arme fatale. Bah, le film, je savais pas que c'était un film. Je croyais que c'était juste une série, moi. Et oui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont souvent même pas entendu parler des films de l'arme fatale. Mais malgré ce violent sentiment de vieillesse qui m'a assailli à ce moment-là, j'ai essayé de persévérer. Il a d'abord fallu retrouver les noms des acteurs. Ça va nous obliger à chercher. Et de chercher. Eddie Murphy... Non. Non, c'était pas... C'était Eddie Murphy avec... Non. Comment s'appelle déjà... Mel Gibson. Oui. Danny Glover. Voilà, bon, c'est déjà mieux. Et puis, en me dirigeant plutôt vers les tempes grisonnantes, j'ai trouvé un peu plus de répondants. Et là, on sent que c'est avant tout l'amour des années 80 qui parle. Les gars des années 80, ce sont pas des durs. Ce sont avant tout des sensibles. Avec Mel Gibson et Danny Glover. Voilà. Bon film à l'époque. Moi, je suis un homme des années 80. Oui, comment ça? Voilà, c'est l'époque bénite. Le premier est excellent, hein. Avec le scénario, quand Lana se défenestre et ils font une enquête. Hein. T'es vraiment un mec des années 80. L'ouverture d'esprit américaine, c'était aussi l'émergence du rap hip-hop à cette époque-là. Donc je pense que tout ça, c'était un peu l'Amérique des années 80, fin des années 80, 90, enfin un peu l'âge d'or. Quoi. Un âge d'or qui paraît bien lointain maintenant. Le film a quand même 34 ans cette année. Bon anniversaire, mon vieux. Merci. On n'était pas encore dans les années terroristes, pures et dures. Donc ça pouvait être encore léger, des bagarres, et puis un peu de drôlerie, et puis politiquement correct. Je pense que c'était la première collaboration entre un flic de couleur ou afro-américain avec un flic blanc. Alors en fait, L'Arme fatale n'est pas le pionnier du duo de flics noirs et blancs. Avant, il y a eu Deux flics à Chicago au cinéma, Deux flics à Miami à la télé. Mais le film de Richard Donner a clairement joué son rôle dans le rapprochement entre blancs et noirs dans les années 80. Par contre, pour ce qui est du rapprochement avec les LGBT... Pédé ou quoi ? Mais non ! Je t'emmerde ! Ou avec les Asiatiques... C'est qui le Shintok ? Il faudra encore attendre quelques années, décennies. Est-ce qu'on serait pas encore en train d'attendre ? On appréciera le moment où l'auditeur a dit « Oui, c'était politiquement correct ». Oui, je pense que tout le monde n'était pas totalement d'accord avec ce politiquement correct. Alors justement, on parle du choix des acteurs, mais Mel Gibson, et tout comme Danny Glover, n'étaient pas les premiers choix pour incarner Rick Semertoff dans L'Arme fatale. Oui. Il y a eu plein de prétendants pour le rôle de Riggs, en tout cas. On a parlé de Bruce Willis, de Nicolas Cage. Nicolas Cage aurait pu être assez formidable, je pense. Hein, ouais. Franchement. Oui. Nicolas Cage, je crois qu'il a été placé sur tous les projets, en fait. Cage, c'est dingue. Hein. C'était selon les coupes de cheveux. En oui. Fait. Je crois que Shane Black, il voulait William Hurt de son côté. Et c'est vrai que c'est assez faramineux le nombre d'acteurs qui ont été envisagés pour le rôle. Ah, oui, il y a eu Kevin Costner. Mel Gibson portait mieux le mulet que tous les comédiens. Mais c'est même plus un mulet. C'est une crinière. Il est en transition avec un homme bête. C'est-à-dire, d'ailleurs, en voyant le premier Arme fatale, ça m'a rappelé les rumeurs qui faisaient état d'une adaptation prochaine des X-Men et où tout le monde voulait que Mel Gibson incarne Wolverine. Oh. Et effectivement, en revoyant Mel Gibson jeune dans L'Arme fatale, tu te dis « Ah mais oui, effectivement, ça l'aurait fait. » Ça l'aurait fait. Et le personnage de Murtaugh, joué par Danny Glover, initialement ne devait pas être noir. C'était pas précisé. Oui. Et même la réelle, tu sais qu'il devait le faire à la base. Enfin, il l'avait proposé à Leonard Nimoy. Oui, qui était occupé sur le projet. Ouais. Alors, il faut dire, justement, parlons de Richard Donner qui nous a quittés la semaine dernière. Ils nous ont annoncé sa mort juste après l'émission des Goonies. C'est pour ça que j'ai refait une émission sur Richard Donner pour être sûr de ne tuer personne d'autre. une fois que c'est fait, c'est fait. Et en fait, Richard Donner, quand il réalise L'Arme fatale, il sort du tournage un peu chaotique de Superman 2, qui a été ensuite confié à Richard Lester. Et il est un petit peu désabusé vis-à-vis du système hollywoodien. J'ai dit, Baron, est-ce que ça se ressent dans la réalisation et dans les choix de Richard Donner ? Le truc, c'est qu'après ça, il y a eu Rendez-vous chez Max, un film qu'il a réalisé en 80, et il l'a expressément dit, c'est le film que j'ai fait pour me remettre de Superman 2, en fait, de l'humiliation d'avoir été remplacé et licencié. Un film qui a eu un succès plutôt mitigé, on va dire, quoi. Et après ça, il a quand même renoué avec le succès avec les Goonies. Oui. Et donc, du coup, après, ensuite, on a les Diouk et L'Arme fatale. Mais avec voilà. La merveilleuse de Michel Pfeiffer. La merveilleuse, je suis d'accord avec toi. Mais, effectivement, au moment où il fait L'Arme fatale, il est quand même déjà réétabli, en fait, dans le circuit hollywoodien, quoi. Oui, ça se sent parce que y a quelque chose de mine de rien d'assez classique. Le film tient beaucoup pour le duo et l'alchimie qui existe entre Danny Glover et Mel Gibson, mais en termes de réalisation pure, on est face à quelque chose d'assez classique. Alors peut-être que ça me semble classique parce que ça a été tellement copié et recopié que désormais on se dit c'est très cliché alors qu'en fait c'est eux qui les ont inventés. Mais il y a quelque chose d'un peu formel dans la réal de Donner sur le premier Arme fatale. C'est un artisan en plus, Richard Donner. Il a fait ses armes à la télévision américaine dans des multitudes de séries télé, des agents très spéciaux aux fugitifs, il est passé par des dizaines de séries télé avant d'arriver au cinéma. Alors c'est sûr, il a fait rêver des millions de personnes avec Superman, mais c'est surtout pas un auteur, c'est vraiment un réalisateur efficace, carré, qui fait vraiment bien le job. Je suis d'accord qu'effectivement, c'est vraiment la relation entre Murtaugh et Reeves qui propulse le film. Et d'ailleurs, le choix des acteurs, Gibson comme Glover, on dit que ce qui les avait séduits, c'était aussi... La chimie qu'il y avait entre les deux. Exactement, ouais. Et que quand Donner a fait une séance de travail avec les deux, il s'est dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui révélait un peu des dimensions comiques, émotionnelles qu'il n'y avait pas, peut-être pas nécessairement dans le script de base. Mais pour revenir là sur le drama, je trouve que s'il n'y avait pas l'humour entre ces deux... le côté dramatique, il ressortirait pas aussi fort. Je trouve que l'humour, du coup, apporte, sert vachement bien la dramaturgie, quoi, le côté sombre de l'histoire. Parce que c'est vrai que le fond du film, c'est un film de dépressif. Ah, clairement. Il y a pour Murtoff cette idée du vieillissement, il y a cette phrase culte, voilà, je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. Parce que il est pas loin de la retraite, il est fatigué. Mais de voir sa fille aussi qui grandit. Et de voir sa fille. oui, oui. Alors, d'ailleurs, on peut parler de la représentation des femmes qui est vraiment très en avant sur son temps, je trouve. Ah oui, vraiment, c'est-à-dire que genre il doit y avoir quatre femmes qui ont peut-être une ligne de dialogue. C'est clair, il engueule pas sa tout femme. Un nom, parfois c'est femme policier au générique. Mais il engueule sa femme parce qu'il y a une tache sur sa cravate. Oui, puis parce qu'elle fait mal à manger. Mais c'est ça, ce qui est tourné en ridicule, c'est Darlene Love qui sait pas faire à manger dans le film. Ouais, c'est assez fou. Mais ça, j'ai l'impression que c'est assez symptomatique du ciné des années 80, mais aussi du genre buddy movie. Ouais, c'est vraiment un truc qui met en avant. Est-ce que René Russo, elle est pas venue aussi pour casser tout ça? Complètement. Si, à partir du 3, bien sûr. Mais c'est vrai que la fille de Murtoff, quand on la voit, elle parle de son copain, et dès qu'elle voit Mel Gibson rentrer dans c'est pas qu'elle le charme. Ouais, le drap complet. Hein. C'est-à-dire qu'elle est, je ne sais pas ce qui se passe en elle, mais. Une vague de chaleur, certainement. C'est incroyable. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'auditrices qui me diraient, moi aussi, mon père l'inviterait à manger, je serais dans le même état. Mais vraiment, là, tu te dis, Oui, mais clairement. Il se passe quelque chose. Et puis les autres personnages de femmes qu'on croise dans le film, c'est des prostituées droguées qui explosent ou qui meurent. Ou qui sont sous une douche à poil. De manière générale, vaut mieux pas être l'intérêt amoureux ou la femme de Mel Gibson dans les films. J'ai l'impression que ça réduit l'espérance de vie assez considérablement. Quoi. On l'a vu dans le 2 aussi. Oui, parce que Rix est dépressif et suicidaire parce que sa femme... Est mort dans un accident de la route. Et d'ailleurs, on sait qu'il y tenait beaucoup parce qu'il tient la photo de sa femme. D'ailleurs, c'est un élément. Il y a dans tous les épisodes. Il parle tout le temps. Oui. Et ça, c'est une des conventions qui a été établie avec l'arme fatale. C'est si un personnage a un passé qui lui pèse, il regarde la photo. Ils regardent tout, ils ont tous une photo. Ma fille, ma femme, mon chien. Ils sont tous là en train de regarder des photos en se disant je suis très très triste. Des photos, elles sont pas sur les portables. On parle pas assez du chien de Rix qui lui est toujours là par contre. Il a un petit Shetland quand même qui va lui apporter un peu de bonheur. Quoi. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est son meilleur ami. Alors, on va aujourd'hui sur France Inter, on est évidemment très arme fatale. Feu Chatterton, le groupe eux, ils sont très écran total, on les écoute. Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants? Et les clairières d'opale dorénavant. Ah, que le cœur me fend. Je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Derrière mon écran sans doute, mon écran total à perdre les pédales. Je n'avais pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran, et je disais mal. Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Mon amour pour toi, mon amour pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser? Sanglots de reptiles s'adressent aux sans dents. Rien à l'abri dans son palais d'argile avec tous ses descendants. Normal, mais il pleut sur la ville et on le sait, l'argile mollit. Eh oui. Alors tous les civils, vous, sanglots de reptiles aux gémonies, c'est place comme sur les grands colis du Marium. Ah, tu fais moi le Marium. Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait peluche des putains de lunettes spéciales. On les mettra jamais des putains de lunettes spéciales. Pour toi. C'était Écran Total de Feu Chatterton. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Blockbuster. Je n'ai pas encore tué, que je sache. Sur France Inter. Mais je te demande pas de faveur spéciale. T'inquiète pas. Ce saxo. Ce saxo, ouais, partout. Hein. Ah, mais vraiment, dès qu'il y a un mouvement stylé. Tête... Trop stylé. Alors c'est une surprise pour personne, les films d'action comme L'Arme Fatale sont rarement récompensés lors des cérémonies. Un coup de feu, explosion, voiture qui dérape, il y a des gens, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je ne comprends pas l'indulgence de la critique, notamment celle de certains journaux. Ce film est d'une débilité absolue. Halluciné. Les acteurs sont peut-être bons, mais le scénario est nul. C'est du n'importe quoi. On se fout de la gueule du spectateur, sauf si ce dernier est un débile léger. Ça faisait 6 ans que l'on n'avait plus eu de nouvelles de notre duo de flics, 6 ans qu'on n'en avait plus entendu parler, et c'était peut-être tant mieux. Sens critique. Ici, Donner semble abandonner l'intrigue au profit de l'humour et surtout de l'émotion. Mais malheureusement, ça ne marche pas. L'humour est assez inégal, les scènes d'action sont toujours présentes mais souvent sans saveur. Ce 4e opus se révèle être un épisode 20, tant nos héros étaient, cette fois-ci, vraiment trop vieux pour ces conneries. Un mauvais moment à passer. Lâchez cette arme, Bruno, lâchez cette arme. Non, mais là, je suis prêt à tirer, là. Hein. Attention, hein. Donc, là, évidemment, vous avez vu que c'était certaines critiques qui couvraient l'intégralité de la franchise L'Arme Fatale. Et vous, L'Arme Fatale 4, ça vous a plu, Bruno? Moi, ça m'a plu parce que c'était une année particulière, parce que je trouve que le film est hyper bien rythmé en termes d'action, que, pour une fois, les Américains commencent à filmer des scènes de combat où on n'est pas proche de leur t-shirt, où on voit rien, on est frustré, ou alors on voit des vieux coups de poing lancés de très loin, qu'il y a Jet Li, qui est quand même la star du moment en Chine, et que personne ne connaît, et je me rappelle que tout le monde a pris une claque quand ce film est apparu, que Jet Li est arrivé. Alors et derrière, Joel Silver a fait Romeo Must Die, oui. Qui était pas... bon. Qui était moins bien. Moi, je le connaissais grâce à la collection Choyark et grâce à la collection HK Vidéo qui sortait des VHS. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais non, on déjà était pas été. Beaucoup, Fred. On n'était pas beaucoup. C'est vrai, c'est le moment où mais il j'avais popularisé été, vraiment. J'avais été biberonné par Jet Li qui incarnait Wong Fei-hung. Exactement, il était en Chine. Et c'est vrai que quand je l'ai vu. Et dans Shaolin avant. Et oui, évidemment. Et quand je l'ai vu face à Danny Glover et Mel Gibson, le fan de Jet Li, parce que pour moi, c'est un dieu, était. Ah non. Non, Jet Li ne peut pas être battu par Danny Glover et Mel Gibson, même, ça n'est pas possible. On peut parler de cette scène qui est fantastique, cette scène de combat entre les deux sous la pluie, on dirait du Tsuyark, hein. Ouais, non, il y a moins d'effets, bien sûr, c'est plus réaliste. Non, mais pour le coup, moi, pour le coup, il n'y avait pas de filin, il n'y avait pas de câble, c'est vraiment des scènes de combat qui sont beaucoup plus réalistes. C'est vrai. Et moi, je me rappelle d'être au cinéma au Portugal, où enfin, au Portugal, tout était en VO, donc je le voyais. C'était la première fois que je voyais L'Arme Fatale en VO. Donc ça aussi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses après, par la suite, dans ma vision cinématographique. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais on a le temps. Non, mais vraiment, j'ai pris une grosse gifle. En plus, il y avait Chris Rock dedans. Avec Chris Rock, qui était quand même la star du stand-up de l'époque. Enfin, qui est toujours une star du stand-up. Il y a Joe Pesci, où le personnage est vraiment un clown rouge, qui te chope à la fin en plus. Avec cette histoire de grenouille de meilleur ami. Mais Joe Pesci, que les amateurs de Martin Scorsese connaissent forcément, et qui est dans un rôle totalement à contre-emploi. Complètement. De petits criminels qui essaient de rentrer. Dans la police. Oui, dans la police, et puis aussi qui est volubile, qui n'arrête pas de parler, et qui saoule tout le monde. Léo, il saoule tout le monde. Il a une salle fantastique avec Chris Rock sur une histoire de portable et de réseau, qui est une pure impro en plus, apparemment. Dans le film, et enfin voilà, moi je sais que, ouais, je trouve que c'était un des premiers films de d'action que j'ai trouvé moderne pour l'époque, quoi. Pour l'époque, oui. Fred Tepper, et ça a été dit dans le troll, il y a ce changement de paradigme qui s'est fait autour de L'Arme fatale, où on est passé d'un film policier d'action un peu sombre, où on parle de suicide, de dépression, à une sorte de comédie familiale, c'est-à-dire qu'à certains moments, on est presque proche d'une logique de l'action au milieu du Cosby Show, quoi. C'est au-delà de la sitcom, on est presque dans du soap opéra un petit peu, notamment à la fin du 4, dans la maternité, avec les les enfants, les petits enfants. Moi, je trouve que j'avais adoré les films à l'époque, le 3 et le 4. Et avec le recul, je trouve que ce côté comique qui prend quand même le pas sur l'action, même si les scènes d'action du 4 sont vraiment très réussies, je trouve que ça handicape la franchise. C'est pas son ADN. C'est pas son ADN de départ, et du coup, c'est dommage que ça vire vraiment vers presque le grand guignol à certains moments, à partir du troisième épisode. Et dans le quatrième. Donc, ça posait un peu problème pendant le 2, justement, parce que Shane Black était attaché, lui, à son scénario plutôt sombre, ultra sanglant. D'ailleurs, Riggs devait mourir, en fait, à la fin du 2. Oui, mais dans le premier, Murtoff devait vraiment prendre sa retraite. C'est ça. Et dans le deuxième, Riggs devait mourir. Donc, ouais. D'ailleurs, oui, quand Donner a rencontré Shane Black en ne connaissant que ses scripts, il s'est dit, mais c'est fou, enfin, je m'attendais pas à un gars aussi jeune et aussi sombre, en fait, quoi, c'est ça. Il pensait, en fait, en le croisant, que c'était le serveur venu lui apporter le café, quoi. Et dans le 2, bah, justement, Shane Black a un peu la confiance du studio, mais il y a quand même donc ce scénario qui est ultra sombre, donc lui, où il imagine Riggs comme le héros qui va faire l'ultime sacrifice. Et finalement, c'est une décision conjointe de Donner, de Silver et du studio, c'est de modifier un peu le script pour en faire ressortir les effets comiques, donc dont le personnage joué par Joe Pesci, justement, qui devait avoir quelques lignes. Et puis, dans le 3, qui après prend sa place. Clairement du clown, quoi. Exactement. Oui. Et il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est que Riggs est donc censé être cette fameuse arme fatale. Alors, c'est. L'appellation provient d'une vanne que lui lance Murtoff en lui disant « Mais tu sais faire des arts martiaux, tu tires super bien, t'es notre arme fatale. » Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une époque où au cinéma, on nous présente assez souvent des gars qui reviennent du Vietnam et qui étaient capables, mais à eux tout seuls, de remplacer un régiment. On peut les larguer comme John Rambo, c'est-à-dire qu'on peut les larguer n'importe où. C'est des tueurs finis. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est une guerre que les États-Unis ont perdue. Au cinéma et dans le cinéma d'action, on a l'impression qu'il y a cette volonté de venger le réel en nous montrant que des soldats qui reviennent du Vietnam, mais qui étaient hyper badass. Or, en fait, la véritable histoire, c'est que ces super badass là, ils ont perdu. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que ce cinéma d'action très viril, il était là aussi pour venger le réel? Ouais. Après, il les montre souvent blessés psychologiquement. Enfin, tu vois, et je trouve qu'il y a quand même. Je sens que les mecs ont pris un impact. Oui, ils sont pas revenus tout frais. C'est pas des gentils, quoi. Oui. On a quand même. C'est moitié psycho. Ouais, on a ce truc un peu quand même dans les années 80 du cinéma des années Reagan, en fait, qui sert un peu la propagande de Reagan, genre America is back, etc. Où on a des persos qui vont carrément prendre leur revanche sur la guerre du Vietnam. Enfin, je pense à Rambo, par exemple. Et c'est vrai que L'Arme fatale, ça s'inscrit un peu là-dedans aussi. Donc les deux sont passés par le Vietnam. Et il y a. Même les méchants. Ouais, sont les méchants aussi. Ouais. Aussi les méchants des forces spéciales, mais qui eux, du coup, de la drogue, donc eux, c'est les méchants, quoi. Il y a vraiment, ouais, j'ai l'impression ce côté, donc à la fois revanche sur le Vietnam, ou sinon, c'est on combat en fait tout ce qui corrompt la société américaine, quoi. Et il y a aussi un autre point qui m'a frappé en revoyant le film, c'est que à un moment donné, sur le frigo de la famille Murtoff, donc Danny Glover, on voit un autocollant qui dénonce le régime de l'apartheid. Or, dans le deuxième, le deuxième opus de L'Arme Fatale, les méchants sont des officiels, des dirigeants d'Afrique du Sud. Donc eux, c'est des gens qui pratiquent l'apartheid. Et jusqu'au 4, où la famille Murtoff devient carrément une sorte de refuge pour des gens qui émigrent, qui viennent de Hong Kong, etc. Et il y a aussi ce moment où on voit Danny Glover, Murtoff, qui interroge des enfants afro-américains. Cette phrase du môme qui dit mais ma mère me dit que les policiers tuent, tuent les noirs. Pistolets. Oui. Que les pistolets. C'est un vrai. Elle dit ma mère dit que les pistolets tuent les noirs. Et ça m'a. J'étais à waouh. Donc déjà à l'époque. Oui. En 87. En 87, on parle déjà de ça. En fait. Et je trouve que il y a en filigrane un engagement politique beaucoup plus fort dans L'Arme Fatale, dont on parle assez peu, mais qui est quand même très présent. Je ne sais pas si c'est un engagement politique, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un contexte sociétal qui est assez ancré. De là à dire que le film a des échos politiques, je pense pas. Ça reste pas un film d'action. Hein. Voilà. Je pense que il faut vraiment le voir pour ce qu'il est. C'est-à-dire un gros blockbuster d'action. Mais Shane Black, il met quand même des messages, quoi. Enfin, je trouve que. Parce qu'il est méta, en fait, dans ses dialogues, dans ses scénarios. Voilà, mais il y a beaucoup de méta. Mais est-ce que pour autant c'est un scénariste politique? J'en suis pas certain. Non, bien sûr. Alors, on approche de la dernière partie de notre émission, mais avant cela, on écoute The Black Keys avec Crawling King Snake. We'll be right back. C'était The Black Keys Crawling King Snake. Mais pourquoi tu cherches toujours la complication? Toi, alors? C'est pas moi qui complique les choses. Elles ont une sacrée tendance à se compliquer d'elles-mêmes. Ouais, comme pour le meurtre de Amanda Hunsaker. Mais est-ce que j'ai parlé de ça? J'ai pas parlé de ça, si? Mais t'as pas besoin de dire un mot, car je lis dans tes pensées. Oh, absolument. Je comprends pas ce que tu cherches. Quoi? Mais où tu vois un problème? Il n'y a aucun problème. On a une fille tuée et un gars tué. Le gars tué tue la fille tuée, nous tuons le gars tué parce qu'il voulait nous tuer. Je trouve ça très simple. Mais que pour toi que c'est simple. Une scène tirée de L'Arme Fatale 1 où on voit Rix et Murtoff parler sur un bateau qui est rangé dans un garage parce que Murtoff a acheté un bateau comme signe extérieur de richesse, mais il ne sait pas le faire fonctionner. Et donc on a les deux mecs en train de boire des bières pendant que maman est en train de vider les poubelles. De ranger la maison. Et de ranger la maison. Voilà. Et en fait, tout ça me fait penser à l'arrivée de René Russo dans L'Arme Fatale 3. Qui est une tentative de féminiser le casting. Et Julie Le Breton, est-ce que vous pouvez parler de l'arrivée du personnage de René Russo dans cette famille de L'Arme Fatale? Justement, ce L'Arme Fatale, c'est le moment où Carrie Fisher a été appelée donc en sa qualité de script doctor. C'est vrai qu'on en parle peu finalement. La princesse Leia a aussi été script doctor et il paraît une des plus recherchées dans les années 90. Quoi. Là, j'en apprends une belle. Elle avait bossé notamment sur Hook et aussi sur Sister Act. Il y a vraiment ce côté un peu, on l'amène aussi pour amener une touche féminine au script, et elle était donc chargée de revoir tout ce qui était les dialogues et l'écriture du personnage, quoi. Et d'ailleurs, je pense que dans le futur, on se rendra compte de l'apport de Carrie Fisher, même sur Star Wars, dans la création du personnage de Leia, parce que j'ai découvert ça il y a peu de temps via Twitter, que c'était Carrie Fisher qui, dans la scène où en Lando Calrissian a vendu Han Solo à Dark Vador, quand il tente de récupérer Han Solo et que Chewbacca commence à étrangler, Lando le traite. Logiquement, c'est Lando qui monnaie sa liberté en disant « Je peux encore faire quelque chose pour vous ». Et elle a rayé la réplique de Lando Calrissian en disant et elle fait dire à Leia « Non, ne l'étrangle pas, on a encore besoin de lui, on peut peut-être faire quelque chose. » Genre, c'est moi qui prends la décision. Et à part petites touches, on se rend compte que donc, fin des années 70, elle avait déjà un agenda très très précis de voilà, une femme n'a pas à attendre que quelqu'un lui dise quoi faire. Voilà. Donc vraiment, Carrie Fisher, voilà. Il y a beaucoup de décédés là, Carrie Fisher, Richard Donner. La larmichette, elle commence à monter. Un petit peu quand même. un petit peu. Et alors, il y a ensuite tout ce qui. Tout ce qui s'est créé autour de Mel Gibson, parce que Mel Gibson, c'est évidemment L'Arme Fatale, mais c'est aussi Braveheart, La Passion du Christ, The Patriot, etc. Apocalypto. Et Apocalypto. Et puis, tous les déboires de Mel Gibson liés à l'alcool qui lui ont fait tenir des propos vraiment scandaleux, on est d'accord. Limite, vraiment très limite. Antisémite, homosexuel, homophobe, pardon. Homophobe, Et alors, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un lent retour en grâce, Fred Tepper, ces dernières années. Ça a été un peu le cas quand il a sorti son dernier film, Tu ne tueras point, sur un objecteur de conscience avec Andrew Garfield, où il a été déjà un peu réhabilité comme metteur en scène. Les propos qu'il a tenus à l'époque restent impardonnables malgré tout. Donc, est-ce qu'on peut réellement réhabiliter Est-ce qu'il est revenu dessus? Alors il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses, mais ensuite il a eu qui ont été acceptées par des membres de la communauté juive américaine. Mais ensuite il y a eu d'autres personnes qui avaient travaillé avec lui sur d'autres films qui l'ont accusé d'avoir tenu des propos. Donc c'est à dire que si dès qu'il a un coup dans le nez, c'est la première truc qui apparaît. On a le droit de se dire que c'est quand même pas très très loin dans son inconscient. Bien sûr. Surtout quand on a vu La Passion du Christ qui ne laisse pas d'interprétation quant à, selon lui, qui a tué Jésus. Voilà, donc on est quand même face à un personnage très... clivant. Oui, clivant. Surtout au regard de sa réussite, parce que Braveheart, c'est des Oscars, c'est quand même un parcours qui a été salué par le métier du cinéma. Donc, il semblerait que L'Arme Fatale 5 soit toujours sur d'actualité, toujours sur le feu. C'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Ah ouais, moi j'avais vu qu'en gros, bah, depuis le décès de Richard Donner, vu que c'était lui qui devait réaliser le film, parce que c'est vrai que tous les Larmes Fatales, c'est Richard Donner, avec les mêmes acteurs, etc. Je me demande si c'est pas un peu compromis, du coup, parce que ça devait être un peu son champ du cygne. Il avait décidé que ce soit le dernier film de sa carrière. Je sais pas trop ce que Gibson a pu déclarer là-dessus. Parce que pour le coup, ça me ferait peur, moi. Ouais, le 4 est une bonne fin quand même, je pense. Je trouve aussi, ouais. Et un 5 sans Richard Donner, puis maintenant, en fait, j'aurais du mal à voir ça aujourd'hui. Danny Glover, là, il... Ah, pour le coup, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'allongement du départ à la retraite. Non, mais ce sera rebooté avec d'autres comédiens, c'est sûr. Ah non. Oui, et justement, parlons de cette série. Ah vraiment? Il faut quand même en parler parce que ça a été dit dans le micro-trottoir. T'as beaucoup plus de gens qui connaissent L'Arme Fatale via la série. Parce que TF1 l'a proposé aussi. En prime time. Ouais, en prime time. Alors, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'ai vu le pilote, alors bizarrement, j'avais vraiment un a priori extrêmement négatif avant de le découvrir, et bizarrement, c'était pas si mauvais que ça. Après, il faut réussir à se détacher du film. Et ça joue plutôt bien, même. Ouais, c'était plutôt pas désagréable, comme une série de buddy movie sympathique. Après, j'ai pas poussé le vice à aller plus loin que le premier épisode. Oui, des fois, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Non, c'est pareil. Chez les Bretons. J'ai pas osé regarder. J'étais même outré en fait de constater que quand on tape l'arme fatale sur IMDb, le premier résultat qui tombe, c'est la série. Quoi. Et pourtant, j'avais moins de 2 ans quand l'arme fatale est sortie au cinéma, mais voilà, j'étais quand même un peu triste. Et est-ce qu'au fond, la véritable suite à l'arme fatale, c'est pas les films qu'on a évoqués plus tôt, c'est-à-dire Nice Guy? Kiss Kiss Bang Bang, Rush Hour. Rush Hour, les buddy movies un peu plus profonds, qui n'ont pas des persos bidimensionnels, enfin vraiment. Bon, même si Rush Hour en termes de film. Oui, j'avoue que Rush Hour. Vous êtes dur avec Rush Hour. Non, mais c'est très bon moment. C'est des bons films d'action rigolos pour le coup. Ouais, voilà. Il y a moins de profondeur que l'arme fatale. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, même les dernières séries Disney, issues de Marvel Studios, ont une vibe buddy movie très prononcée. Falcon, notamment Loki. Loki, Falcon et Winter Soldier, on est vraiment dans une dynamique de couple dysfonctionnel, où on se balance de la vanne et où en même temps il y a de l'action. Mais on n'a pas envie de faire équipe. C'était aussi le cas de Iron Man 3. Oui. Qui était vraiment dans un univers plus éloigné de Marvel et plus proche du buddy movie. Oui. Eh bien, je vous remercie, c'est la fin de cette émission. Ah non, déjà ? Mais oui, mais c'est ça passe super vite. Mais oui, Gilles Le Baron, Fred Tepper, Bruno Sanchez, merci d'avoir évoqué avec nous l'arme fatale. Donc n'hésitez pas à le regarder de nouveau, à voir les jolies fesses de Mel Gibson. Merci, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Tu cherches ton pote le général, hein? Eh ben, il fait un méchoui avec ses couilles sur Hollywood Boulevard. Demain dans Blockbuster, Winter is coming. C'est de l'anglais. Ça signifie que l'hiver approche. Dans un royaume envahi par le froid et à l'environnement hostile, vit une chanteuse. Avec un nom de gâteau de régime. Son super pouvoir ? Chanter divinement, enchaîner les tubes et avoir l'air d'avoir 12 ans. Depuis 43 ans. Demain, on parle de la chanteuse islandaise Björk. France Inter.